Thank you. Je voulais savoir si on entendait la guitare bien. Ou c'était plus compliqué à entendre, est-ce que vous entendiez ça? Bon, il n'y a pas de délai, non, c'est très bien. Par contre, moi j'ai beaucoup d'écho, c'est pas normal.